petit retard dû à des problèmes techniques. Enfin bon, j'imagine que vous commencez à connaître la musique à force. Voilà, donc merci de nous retrouver. Aujourd'hui, un épisode spécial Giro où nous allons revenir sur les dernières étapes qui se sont déroulées et évoquer rapidement le programme à venir. Aujourd'hui, pour nous accompagner, on retrouve une équipe resserrée autour de moi avec Charles Salut Max, bonsoir à tous. et Greg. Salut tout le monde. Et bonsoir à vous, cher commissaire, content de vous retrouver. Bien, écoutez, je pense que le plus simple est de commencer avec bien ce qui s'est passé aujourd'hui. Voilà, on a eu une étape quand même décisive, a priori, pour commencer à dessiner les contours du classement général, le très attendu contre-la-montre de Saint-Marin, avec la victoire de Primoz Roglic, qui était également assez attendu, devant un Victor Campenaerts un peu malheureux, j'y reviendrai plus tard, à 11 secondes. En troisième position, un étonnant et convaincant Bauke Mollema à 1 minute. Puis on retrouve aussi un solide Vincenzo Nibali à 1,05 et une belle cinquième place pour Tanel Candegert à 1,10. Voilà, eh bien écoutez, j'ai envie de revenir avec vous sur cette étape qui était quand même le premier gros rendez-vous, on va dire, de ce Giro, même s'il arrivait un peu tardivement. Charles, qu'est-ce que tu as pensé de cette étape? Qu'est-ce que tu as pensé des différents quelle impression t'en es les différents favoris? Bah, tout d'abord, Primoz Roglic m'a plutôt impressionné, comme je pense vous deux également. Et derrière, si j'avais un petit flop ou quelque chose qui m'a étonné, c'est la contre-performance de Simon Yates, pardon, qui était absolument méconnaissable. On pouvait s'attendre, et on va dire, on l'avait prévu, à ce qu'il perde un petit peu de temps sur la portion plane, mais ensuite qu'il fasse jeu égal, pardon, avec Primoz Roglic. Et en fait, on s'est aperçu que c'est l'inverse, plus ou moins, qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il s'est peut-être un petit peu cramé. Sur le premier tiers du parcours, il a perdu énormément de temps dans la montée. Si je ne me trompe pas, je crois qu'il fait même pas dans les 20 premiers de la montée. Non, il a, je crois, le 40e temps de la montée sur cette étape. C'est vraiment effectivement très très étonnant. Pareil pour toi, finalement, Greg, tu es plus, on va dire, marqué par les contre-performances de certains que par les performances d'autres? Oui, ben, on attendait beaucoup mieux. Enfin, on y reviendra, je pense, surtout des deux Yates et de Lopez, qui sont vraiment les déceptions, hein, de cette journée. Parce que finalement, sur Nibali, eh bien, il n'y a qu'une minute, ce qui est pas tellement, hein, par rapport à ça peut correspondre à peu près ce qu'on attendait. C'est plutôt même une bonne opération pour lui. Donc, c'est vrai que c'est plutôt enfin, Yates qu'on attendait beaucoup mieux, qu'on a vu même la manière dont il a fini. On sentait vraiment qu'il était pas bien, hein, qu'il était, c'est une vraie défaillance de la part de Yates, et donc c'est peut-être lui la grosse déception. Lopez, on avait parlé, on savait qu'il avait perdu du temps. Là aussi, il en perd beaucoup, d'autant plus qu'il a eu un souci mécanique dès le début. Peut-être qu'il a d'ailleurs dû changer de vélo et prendre un vélo, enfin un vélo normal et pas le vélo de contre-la-montre. Donc voilà, c'est vrai, il y a deux grosses déceptions. Peut-être qu'on retiendra tout d'abord, hein, dans cette journée. Alors, je ne sais pas pour Miguel Angel Lopez s'il a fini avec un vélo traditionnel. Par contre, c'était visiblement le cas de Campenaerts, hein, qui a dû opérer un changement de vélo, qui en plus a été très très mal négocié par son équipe, parce que finalement, c'est plus avec l'aide du public qu'il est reparti. Et même s'il a bénéficié de conditions météo favorables, on peut dire qu'il peut l'avoir mauvaise, parce que les 11 secondes là qui lui manquent pour terminer premier, c'est là qu'il les perd. Peut-être un petit mot sur la performance du Belge, d'ailleurs, pour revenir sur le récent recordman de l'heure, Charles. Tu l'attendais à ce niveau, sur un parcours quand même pas forcément pour spécialistes. Non, à vrai dire, je ne l'attendais pas à ce niveau. Désolé, je suis, comme on a dit, soucis techniques, je suis en même temps en train de mettre le bon lien sur les réseaux sociaux. Je vais attendre un petit peu. Et non, enfin, sincèrement, je ne l'attendais pas aussi fort. D'autant plus que le parcours, pour moi, lui convenait vraiment pas. Après, j'étais étonné, ouais, parce qu'il a quand même perdu du temps dans la montée. Mais bon, il a aussi, on va le dire, il a bénéficié des circonstances de course, c'est-à-dire que les conditions météo étaient quand même plus avantageuses au moment où il a pris le départ, enfin, par rapport aux favoris du Giro, quoi. Alors, si on doit passer l'ensemble des favoris en revue, bon, déjà le vainqueur de l'étape est là où on l'attendait. Je pense que c'est pas vraiment une surprise de le voir remporter cette 9e étape. Vous avez dit 1 minute de retard sur Nibali. A priori, le Sicilien aurait signé avant le départ. Oui, c'était finalement lui aussi était plus ou moins à sa place. Et après, on retrouve quelques spécialistes comme Chadaga, qui est souvent placé dans les top 10 sur ce type de contre-la-montre. Il y a également quelques performances voilà, un jeune qui surprend agréablement, je trouve, c'est Hugh Carty, qui fait 8e de ce contre-la-montre. On en parlera peut-être plus tard, mais voilà, il se positionne peut-être pour le port du maillot blanc pour la suite. Et je voulais aussi revenir sur la performance assez solide de Mattia Cattaneo. C'est pas toujours facile, on le sait, pour les équipes Conti Pro sur les contre-la-montre, notamment parce qu'ils ont un plus petit budget, ils s'entraînent moins souvent avec ce genre de matériel. Bref, c'est le seul dans le top 20 en tout cas à figurer dans une Conti Pro et faire donc accrocher le top 10. On savait que Androni voulait que Cattaneo essaye de s'accrocher au classement général, mais pour l'instant, c'est réussi. Voilà. Alors peut-être revenir ensuite de votre côté, je sais pas, sur d'autres outsiders, ceux qu'on attendait pas forcément pour battre pour le podium, mais dans les top 10, des gens comme Zacharine ou Maïka, Charles. Ouais, moi j'étais un petit peu déçu de Rafał Majka. Je m'attendais à le voir un petit peu plus haut que ça. Et bon, il n'est pas à la rue, hein. Il fait 14e du chrono à environ 2 minutes, 2,04, je crois, si je ne me trompe pas, du vainqueur Roglic. Donc c'est pas non plus scandaleux, mais Oui, il est je 14e juste m'attendais. derrière Zacharine. On peut les mettre un peu Ouais, dans je le même lot. m'attendais plus à le voir aller à la minute 30 environ. Bah justement, tu vas le voir derrière un Cattaneo ou un Bilbao. Je m'attendais plus à ce qu'il soit au-dessus de ces mecs-là. Hein. Idem pour Hugues Cartier, par exemple. Enfin, je ne le voyais pas si bas. Quant à Zacharine, bon, on a vu qu'il était un peu juste sur le chrono inaugural, donc je le voyais pas non plus faire un top 10. Je pense que là, il est plus ou moins à sa place. Vous attendiez quand même à ce type d'écart où on voit que ben voilà seuls les 13 premiers se tiennent en 2 minutes finalement et sur de tels écarts pouvaient être créés comme ça entre les leaders. Là, c'est surtout Roglic et Campenaerts hein, qui sont 1 minute devant quasiment tout le monde. Oui. Après, c'est globalement à peu près serré. À part les grosses défaillances, on a parlé au début. Finalement, ça reste assez serré parmi les bons rouleurs grimpeurs du peloton. Voilà. Donc là, je vous ai mis un rapide aperçu du classement général. Du coup, on voit que bah, le maillot rose l'a conservé, comme c'était quand même attendu. Personnellement, je voyais Conti peut-être un tout petit peu plus haut. Là, il termine 38e de l'étape. Il a pratiquement rogné, enfin, pardon, il s'est fait rogner deux tiers de son avance par Roglic, qui n'est plus qu'à 1,50. Derrière, on retrouve donc le nouveau porteur du maillot blanc, Nance Peters, à 2,21. Roras, qui a perdu deux places. Puis Masnada, Amador. Ça, c'est encore tous ces gens qui avaient fait partie de l'échappée des baroudeurs. Par contre, parmi les leaders du classement général, on va dire, on va retrouver alors, bien, c'est Roglic avec 1,50 de retard. Puis, il faut descendre à la 11e place pour retrouver Vincenzo Nibali, qui est déjà donc à 3,34, puis suivi par Mollema. Voilà. Donc, ça s'est déjà notamment décanté. On voit d'ailleurs que dans ce classement où se trouvent donc les 22 premiers du classement général, on a ni Yates, ni Miguel Ángel López, qui vont être 24e et 26e respectivement, il me semble. Donc effectivement, très grosse déception pour eux. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent se refaire après s'être pris un tel éclat? Greg? Ah ben, va falloir un sacré coup tactique ou va falloir vraiment renverser la table dans les étapes de montagne en fin de semaine, la semaine prochaine pour remonter. Parce que, alors ils remonteront parce que du coup, tous ceux qui étaient échappés cette semaine vont perdre des places. Mais par rapport à Roglic, ça sera assez compliqué. Alors on espère tous hein, le côté imprévisible. Finalement, une étape où ils attaquent de très loin, où l'équipe Jumbo n'arrive pas à gérer et déborder, Roglic ne sait plus quoi faire. On a tous un petit peu ça, mais au vu de l'état de forme, il faudra déjà que Simon Yates retrouve des jambes et que Roglic les perde. Alors, Roglic, à défaut d'avoir perdu ses jambes, a perdu quand même un solide équipier que l'on attendait pour la montagne en la personne de Laurent Depluce, qui un peu a traîné sa misère au début du Giro parce qu'il était malade et il a fini par abandonner. Ça, c'est quand même voilà, un sale coup pour son équipe. Maintenant, à voir si ça suffira quand même, le reste de l'équipe suffira pour contrôler. On sait aussi que lorsqu'il y a des coups tactiques qui sont de loin, bien le leader, même s'il est un peu isolé, souvent a l'occasion de pouvoir compter sur d'autres équipes qui défendent les places annexes de leur leader. Donc c'est arrivé avec Dumoulin notamment en 2017, quelquefois. Donc voilà, pour l'instant, pour moi, Roglic est quand même dans une position relativement confortable. Et j'ai envie de vous justement de vous poser une question un peu provocatrice. Je sais que c'est la plupart des suiveurs ou des gens qui, voilà, qui aiment suivre le vélo comme vous n'aiment pas entendre ce genre de choses, mais est-ce que vous pensez pas que voilà, le Giro est déjà plié? Charles. Non, pas du tout. Comme l'an dernier, je pensais pas non plus que le Giro avait été plié après les numéros de Simon Yates. Ça paraît un peu contradictoire parce que enfin, pendant la présentation de la course, j'ai fait de Roglic mon favori, mais j'ai toujours ce petit doute sur sa capacité à pouvoir gérer en haute montagne. Alors, on peut me rétorquer qu'il a été très bon en troisième semaine du Tour l'an passé, mais il n'a jamais été dans cette position-là. Là, on va quand même aller très haut. Dans les montées, il y aura des efforts qui seront compliqués à gérer, la récupération sera aussi très importante. Enfin, c'est le mieux placé, oui, mais de là à dire qu'il a gagné le Giro, je ne m'avancerai pas parce que Primoz Roglic, pour l'instant, sur un grand tour, il a rien prouvé. Et on a vu l'an passé que ben, quand il y avait un petit peu de pression, il n'arrivait pas forcément à la gérer. Donc, non, la course est loin d'être finie. En plus, on n'a pas encore eu de col ou d'étape de montagne. Donc, il y a encore tout à voir sur ce Giro, je pense. Et toi, Greg, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu aurais fini? Ah Ah oui, bah, j'espère évidemment, que non, quand même. la J'espère question est que. volontairement provocatrice, hein. J'exagère à Tu dessein. exagères à peine ton point de vue. À peine. Hein. À peine, ouais. Non, ben, on attend tous qu'il arrive quelque chose, qu'il y ait une attaque. Enfin, voilà, ce qu'on attend des étapes du Giro, finalement, on avait toujours une montagne très difficile. C'est un peu la particularité du Giro, d'avoir des étapes imprévisibles avec des. Enfin, des pentes assez dures, des cols assez longs, on va passer au-dessus de 1000 mètres avec une météo incertaine. Il y a pas mal de facteurs qui font qu'il reste encore de l'incertitude. Ouais, Maintenant. puis le facteur important, je trouve, tu le soulignais un peu, Max, c'est que bah, Primoz Roglic, il a un peu une équipe en bois autour de lui. Moi, j'ai l'impression de me retrouver dans une configuration à la Dumoulin à roues sur la Vuelta il y a quelques années. Sauf que c'était en fin de Vuelta, là, il reste encore 2 semaines de course. Et Lorenz Depluce, c'était le meilleur atout pour moi de la Jumbo-Visma en montagne. Et il a abandonné. On voit que Sepp Kuss, qui est un très bon grimpeur, il traîne un peu sa misère depuis le début de la course. Donc, en dehors de ces deux-là, je pense pas que ce soit les cadets Tolouk et Boumann qui vont pouvoir l'aider à aller bien loin en montagne, quoi. Alors, disons, je vais me permettre d'apporter, de défendre un peu mon point de vue avec un minimum de mauvaise foi, mais c'est aussi pour apporter la lumière sur un autre point qui fait un peu la jonction pour moi, en fait. Voilà, selon moi, ça va pas être aussi facile que ça de renverser Roglic malgré Nibali, malgré le parcours, parce que justement. Je pense qu'on surestime un peu ce parcours. Il n'y a pas d'étape qui permette de renverser la situation comme avait pu faire Froome l'année dernière ou Nibali il y a 2 ans, 3 ans, pardon, parce que les cols ne sont pas situés aussi loin. Alors il y a des cols difficiles, oui, mais ils sont situés quand même plus près de l'arrivée. Mais il n'y a pas d'arrivée vraiment très très difficile pour autant. Donc les mouvements de loin, je n'y crois pas trop. Surtout quand Bah j'ai. justement, enfin, dans San Carlo, par exemple, pour aller à la semaine prochaine, celui qui est très fort ou qui est très mal dans San Carlo, je pense qu'il peut prendre très cher. Ah oui, bien sûr. Mais là, pour moi, ça se fera. Le nivellement sera par l'arrière. Et à moins que Roglic n'ait pas les jambes, les écarts seront minimes entre les principaux leaders. Il n'y a pas. Je vois moins d'étapes pour renverser les choses. Et puis, en plus, ce parcours tellement divisé en deux, qui pour moi, quand même. Créer un Giro un peu soporifique sur les premières étapes. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi voilà, je m'attendais à un peu mieux. Tout ça, c'était quand même au gros bénéfice de Roglic, qui a pu finalement avoir un matelas, acquérir un matelas assez confortable. Voilà, il a maintenant pratiquement 2 minutes d'avance sur le plus proche des favoris. Oui, c'est Nibali. On sait que Nibali, par le passé, a pu renverser la situation et qu'il essaiera sûrement encore une fois. Mais déjà, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer les coéquipiers de Roglic. Il y a certains petits jeunes, comme justement Tolu Kobuman, qui peuvent une étape ou deux être solides, en tout cas faire le minimum de boulot. Et encore une fois, les étapes de montagne, oui, elles sont dures. Mais je vois pas une étape où on pourrait avoir vraiment des explications de loin pour provoquer la panique, en tout cas dans l'équipe de Roglic. Voilà. C'est bizarre de te retrouver nostalgique de l'étape du Finistère l'année dernière. Faudrait... Ça, Alors, alors c'est beau, hein. attention, je dis juste que l'étape du Finistère était tracée pour permettre ce genre de choses. Mais Je est-ce que suis tu pas sais quelque chose que forcément tu souhaites heureux revoir? Ça, que ce soit Froome qui ait saisi la perche et la qui. question, c'est est-ce que tu veux revoir quelque chose comme ça? Voilà, est-ce que je vais voir quelque chose comme ça? Pas forcément de la même façon, disons. Moi, ce qui m'a gêné surtout de la performance de Froome, c'est de voir finalement que les écarts n'est même pas baissé sur le dernier col et ce genre de petites choses. Voilà. Mais l'étape du Finistère était vraiment faite pour attaquer lors du Finistère. Et elle était quand même loin, placée assez loin de l'arrivée. Maintenant, les cols les plus difficiles dans ce Giro ne sont pas placés à 80 km de l'arrivée, mais plutôt à 40. Donc ce sera. C'est peut-être mieux justement. Oui, ça peut être mieux si Roglic n'a pas les jambes, mais il est quand même solide. Hein. Il est quand même solide depuis très longtemps. C'est pas que de cette saison. Vous avez dit, il a fait 4e du Tour de France. Oui, il n'était pas sur le podium, c'est vrai, de peu, hein. Vraiment de peu. Bon, il va L'étape falloir que l'étape je mette un terme à toutes ces spéculations ouais. parce que les gens vont arrêter de regarder la course s'ils continuent d'écouter Max. Et là, comme on n'est pas nombreux, J'ai dit on je laisse un peu parler trop longtemps. j'exagère à dessein. Et ouais, non, il faut remettre un peu les choses dans leur contexte. Il y a des étapes qui sont très compliquées. Je citais celle de Courmayeur où il y a moyen de faire quelque chose. On ne parle même pas de celle du Bon, c'est bord rouleau. Tirolo où là, on a quand même un col, le Gavia, qui met à plus de 2600 mètres d'altitude, une étape qui fait 226 km, un mort Tirolo terrible et une montée un peu plate derrière qui ressemble un peu à Aprica. Je vois sur le chat, Enfin, on si parle dans cette du. étape-là on m'explique qu'il n'y a pas moyen de faire quelque chose et de partir de loin, je veux bien arrêter de regarder le vélo, quoi. Enfin, Après, j'invite les gens à aller regarder les profils pour voir quand même qu'il faut rester devant son écran et continuer à suivre la course parce qu'il y a de quoi faire, quoi. Mais il restera le contre-la-montre. Le Passomangan est Ouais. difficile, il est à 100 km, comme le note quelqu'un sur le chat, mais le Passomangan n'est pas aussi difficile que le Finistère, quand même. Oui, pardon, Et Greg. non, mais il restera aussi un contre-la-montre final, Oui, qui hein. permettra à Roglic de reprendre un peu plus de Et temps également. voilà. Merci. Non, non, voilà. Maintenant, comme je dis, c'était plus une façon pour moi aussi de critiquer un tantinet le parcours qui je trouve, a eu pour effet de bloquer un peu les leaders, j'ai l'impression, dans cette première partie de Giro. Ou alors, est-ce que vous pensez que quelque part, ce qui s'est passé, la défaillance de Yates l'année dernière, est restée dans la tête de certains leaders? Greg? Non, parce que enfin, le parcours, comme tu as dit, est différent cette année. Hein, il y avait quand même des arrivées enfin, au sommet l'année dernière où Yates a pu à chaque fois profiter pour gagner du temps. Et là, on a un profil totalement différent. Après, oui, moi aussi, je suis un peu déçu, hein, du déroulement de la course jusqu'à présent. Sans parler des neutralisations ou des rumeurs de neutralisation à Oui, outrance. d'ailleurs, pour revenir à ce qu'on disait juste avant, et encore ça donne pour moi un peu de l'eau au moulin pour la future victoire de Roglic, le Passo Gavia, le col le plus dur et le plus long de ce Giro qui passe largement au-dessus des 2500 mètres, risque d'être annulé pour cause de neige. Mais l'itinéraire B passerait 2 fois par le Martirolo, je crois. Certes, mais c'est pas tout à fait la même chose, on monte pas Ah, aussi 2 fois haut. le Martirolo quand même. Oui, C'est mais. Je pense que la Vas-y, mauvaise foi fais-le, Max, a atteint son maximum là. vas-y. On a vu des étapes avec C'est deux fois tout, c'est l'Alpe rien le d'Huez, avec deux Martirolo. fois l'Alpe d'Huez, où le premier Nos passage. auditeurs se font une idée, d'ailleurs, quand on dit que Roglic a un chrono qui lui convient à la fin. Je me rappelle que certains disaient ça pour le Tour de France l'an dernier, puis on a vu ce que ça donnait comme. C'est vrai aussi, c'est vrai aussi. Bien joué, Charles. Bien joué. Un Donc point soyons sérieux, pour enfin, toi, mine de rien, je te l'accorde. soyons un peu réalistes. Enfin, je pense qu'il faut prendre un peu de recul. On n'a pas encore une seule étape de montagne, on ne peut pas tirer de plan sur la comète. Évidemment, Peut-être que Roglic va évidemment. gagner avec 5 minutes d'avance ou 10 minutes d'avance, mais peut-être aussi qu'il va terminer 10e du Giro, on n'en sait rien. Enfin, là, pour moi, ce n'est pas sérieux de tirer des plans, sachant qu'on n'a pas eu, encore une fois, une seule étape de montagne. Enfin, on ne sait pas comment il va réagir, on ne sait pas s'il est en forme trop tôt, on ne sait pas si des mecs comme Lopez ou Nibali vont être vraiment très forts en montagne, on n'en a aucune idée. Donc, enfin, on ne peut pas dire que Roglic va gagner la course, ce n'est pas possible, d'autant plus que Roglic n'a jamais gagné de grand tour. Alors peut-être que dans 5 ans, il en aura 10 dans la musette, on ne sait pas, mais en l'état actuel des choses, sachant qu'on n'a pas encore une montagne, je me répète, on ne peut pas dire que Primoz Roglic a gagné la course, ce n'est pas possible. Nous sommes d'accord, malgré tout. Voilà, on l'a Bien, remis dans le très droit bien. chemin, c'est bon, Greg. Évidemment, évidemment. Non, je voulais simplement dire que ça allait peut-être être quand même plus difficile qu'on le pense pour tenter de secouer le Gauthier. Mais après, est-ce que c'est un mal pour un bien de retrouver certains leaders finalement à 3-4 minutes, comme un Yates, un Lopez ou Chavez, même on n'a pas trop parlé, mais un Landa qui est déjà presque à 5 minutes? Et ce qui permet d'ailleurs me permet peut-être de souligner en contrepoint à la performance de son coéquipier, co-leader Carapaz, qui lui est très solide. Et s'il n'avait pas chuté, pris dans une chute où il avait perdu bêtement 1 minute 30, je crois, serait bien mieux classé Carapaz a actuellement. l'air très fort, ouais, Oui. mais Lopez me paraît costaud aussi. Je pense que sa performance lors du chrono inaugural a un peu donné un aperçu biaisé de ce qu'il est sur un chrono et peut-être un peu surestimé enfin, ce qu'il est capable de faire sur un contre-la-montre. Je pense qu'aujourd'hui, bon, je ne vais pas dire qu'il est à sa place parce que ce serait à mon tour, je ferais preuve de mauvaise foi, mais je m'attendais pas à le voir vraiment à 1 minute 30. Tu as Lopez, normalement, sur les chronos, il fait toujours partie de ces grimpeurs comme Landa, etc., qui finissent toujours quand même assez loin. Et peut-être que, comme tu dis, c'est une bonne chose, Max, parce qu'il va devoir prendre des risques. Lui, il va pas pouvoir se contenter de suivre Carapaz ou de jouer à cache-cache avec Carapaz et On a quand même l'habitude de voir faire des ces attaques. deux trois dernières années une équipe Astana à l'offensive hein, quand elle veut. Je dirais qu'a priori, sur le papier, avec l'équipe qu'il a, ils auraient les moyens de leurs ambitions quand même. En plus, il peut compter Oui. sur l'appui de Pello Bilbao qui reste toujours bien classé au classement général. Ouais, qui est toujours là, mais bah, par contre, pour Greg, tu me diras ce que tu en penses aussi, mais pour un Simon Yates, moi je pense que le problème, il est physique. Enfin, perdre autant de temps pour un coureur comme lui sur un chrono comme aujourd'hui, je trouve ça vraiment curieux et j'ai peur que ça soit plus physique qu'autre chose, quoi. Oui, Son justement, je allure voulais. à la fin, enfin, elle était pas rassurante. Hein, il avait vraiment l'air en difficulté. Alors, défaillance, malade, je sais pas, mais il avait vraiment l'air sur les derniers mètres. Bien, en fait, c'était pas très beau à voir. Oui. Oui, c'est assez étonnant, surtout que bien, depuis le début de la saison, il a été, alors pas forcément discret, mais on va dire en dedans, est très irrégulier, c'est-à-dire qu'il faisait des performances au coup par coup, sur quelques étapes, sur les petits tours d'une semaine, il pointait comme ça une ou deux étapes. En général, d'ailleurs, ça lui réussissait plutôt bien. Donc, moi, j'imaginais que. Comme le Giro était son objectif et qu'il avait plutôt l'art de bien savoir pointer les étapes, moi je le voyais fin prêt pour ce contre-la-montre. Donc c'est assez inquiétant, je suis comme vous. Maintenant il va y avoir une journée de repos, puis 2 jours ensuite plus plat que ma main, pour se reposer pour lui. Donc peut-être que les choses voilà, vont être remises à zéro à partir du week-end prochain. Charles, justement, peut-être Ouais, après, en. juste pour finir sur Yates, quelque chose qui est super intéressant, par contre, c'est que même si on pense quand même qu'il est pas au top physiquement, si jamais on se trompe, comme c'est un coureur offensif, là, ça pourrait devenir vraiment intéressant, quand même. Oui, et pareil, lui pourra compter en appui sur un Sur une Esteban très Chavez. grosse Mitchell Toscone avec Chavez, Nievé. Voilà, on sait que c'est une équipe qui peut aussi dynamiter les choses si elle s'en donne les moyens. Bien, bah écoutez, je pense que pour clore l'émission, on peut peut-être se projeter Juste un mot sur les Français, avec notamment Nance Peters qui a Oui, pris voilà. le maillot blanc de meilleur jeune, juste devant Madouas, enfin qui a 1 minute d'avance devant Madouas, juste pour dire, ben voilà, ça fait aussi plaisir. Que Nance Peters, on l'a vu aussi, était content comme tout en interview. Donc, alors, je pense pas qu'il gardera peut-être très longtemps, là, on verra Oh bah bien. Parce que... avec les étapes qui arrivent, Oui, remarque, oui. si ça se passe pas trop mal, il peut le garder pareil jusqu'à. Bon, une semaine, Ah, quoi. on va dire comme Conti, il peut tenter le garder au. Allez, jeudi. Jeudi, il y a l'étape de Cuneo Pinerolo, il faut voir comment ça se passe. Et peut-être jusqu'à vendredi, ce serait pas impossible, on va dire. Ce serait pas impossible. Voilà, Voilà. bah Tout juste comme pour dire que Conti, en voilà. gros, en fait, qui lui aussi risque de perdre un peu de temps sur l'étape de Pinerolo, où ça va peut-être un peu flinguer sur la fin. Je pense pas que ça flinguera dès le Montoso. Dans ce cas-là, oui, là, il sera beaucoup plus vite en danger. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Mais pour moi, non, Peters, tout comme Conti, peuvent conserver leur maillot jusqu'à au moins vendredi. Jusqu'à jeudi ou Jeudi vendredi, ou ouais. vendredi, si ça se passe bien, voilà. Et c'est vrai que la montagne tarde à arriver. Certains de nos suiveurs sur le chat aussi semblent s'en languir. Donc j'ai envie de vous demander, ben, vous, ce que vous voyez. Est-ce que vous voyez encore Roglic porter le maillot rose? Alors, jusqu'à. Enfin, pardon. Roglic Il n'y a s'emparer pas du maillot encore. rose, s'emparer du maillot rose Il est conditionné, Greg, hein, le il est week-end foutu. prochain. Est-ce que selon vous, il sera en rose à partir, on va dire, de samedi? Bon, je pense que c'est possible, enfin, c'est fort probable qu'ils prennent le maillot, vu que dès que la route, ça monte très haut, l'étape de samedi, quand même, elle va assez en altitude, donc Hein, ça pourrait être éventuellement vendredi, voilà. un second couteau qui t'entraîne échapper, mais je vois mal, vu les retards maintenant qui s'accumulent, quelqu'un pouvoir Dès prendre le temps. vendredi, ça monte à 2000 mètres, à 2200 Voilà. mètres, donc ça va être compliqué pour Conti Ouais. de garder le maillot ce week-end. Oui, ça risque d'être compliqué, effectivement. Et toi, Charles, tu vois qui en rose, on va dire, allez, Ouais, samedi comme vous, je soir. vois quand même Roglic, parce que Roglic. bon, après, encore une fois, on ne sait pas, hein, je le répète, si ça se trouve, il va gagner la course avec 5 minutes d'avance. Enfin, j'ai pas les mêmes doutes que pour Yates l'an passé, mais je le vois pas non plus s'écrouler dès la première étape de montagne. Enfin, je serais quand même vachement étonné s'il se prend 10 minutes vendredi ou samedi, quoi, ça. Alors J'y crois c'est pas vrai trop. que la première étape de montagne, parfois il y a des coureurs qui ont comme ça un peu de mal à se mettre en route et qui sont un peu surpris par le changement de rythme, on va dire. Mais là il y aura quand même un peu l'étape de Pinerolo qui va servir aussi de transition. S'il doit y avoir des défaillances, on les verra d'abord là, je pense. Et de toute façon, ce qui se passera ensuite au week-end ne sera qu'une confirmation. Voilà, comme vous, je vois Roglic s'emparer du maillot rose, même si, quand bien même, il perdrait du temps sur d'autres favoris, il a un matelas de toute façon insuffisant pour pouvoir s'en emparer, voilà, tout en prenant assez de temps à Conti, parce qu'après tout, il a moins de 2 minutes de lui. Voilà, donc on fera le point dimanche prochain. Je ne sais pas si on a un rendez-vous durant la semaine, Charles, rappelle-moi si peut-être mercredi On ou va jeudi. essayer. On On va va peut-être. essayer. Ouais, ça dépendra des scénarios. Pareil, parce que s'il se Voilà. passe rien en Pinerolo, on va pas aller faire une émission jeudi. Ça On verra, ouais, on vous dépendra de tiendra nos au courant. disponibilités et des différents scénarios de ce Giro, en espérant que ben voilà, on ait enfin des grosses explications entre les favoris, mais je pense que là, ce sera difficile de se cacher de toute manière. Bien, bah écoutez, Peut-être je pense vendredi, ouais. qu'on a fait le tour en étant pratiquement dans les temps. C'est très bien. Ben écoutez, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouvera donc très très bientôt pour un nouvel épisode des commissaires de course. N'hésitez pas à laisser pouce bleu et commentaire si l'émission vous a plu. Voilà, d'ici là, portez-vous tout bien et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.